des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu lui plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent. Genial aquesta interpretació. Henri Salvador va néixer a Sinnamary, a la Guyana, el 1964, havia nascut el 1917, el 24, la seva família es va instal·lar a París i va descobrir la música gràcies a Louis Armstrong i Duke Ellington. Quina revelació, quina sort que van tenir tots per poder-lo escoltar. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Une chanson douce comme chantait ma maman. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La la la la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Seguim amb el nostre programa d'aquesta setmana amb aquestes cançons, els 100 títols més cultes de la música, de la cançó francesa, amb una petita part, amb una primera part que hi dediquem. Gilbert Vecot, també un dels grans artistes de sempre, que ens tornarà a acompanyar avui. En feia diversos programes, crec recordar, que no escoltàvem amb aquest artista de Toulon, on va néixer el 1927, i que va morir a París el 2001, en Gilbert Leopold Silly. Aquest era el seu nom real, també anomenat per alguns el senyor dels 100.000 vols. Escoltem-lo també amb una de les seves cançons que hem triat per al programa d'avui. Després, qui ens acompanyarà serà Lives Montand, Live Olivi, l'autèntic nombre del que fou genial intèrpret del Music Hall de la postguerra, nascut a Itàlia. Thank you.

de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si beau, et si nous nous aimons, cherche pas la raison, c'est parce que c'est si beau. C'est parce que c'est si beau. C'est parce que c'est trop bon. C'est si bon en Yves Montand, que ens acompanyava. Qui és el nostre següent convidat? O els següents convidats, perquè d'una tacada en tindrem tres. El primer, Jan Constantin, ens arribarà amb una de les seves cançons. Jan Constantin va néixer el 1923 a París i va morir el 1997, cantant i compositor. També un d'aquests que va aprendre la música escoltant discos de jazz. Que dir de Jacques Brel, que havia nascut el 1929 a Bèlgica i va morir el 1978, també actor i cineasta. I de Luis Mariano, de Mariano Eusebio González i García, cantant espanyol que va néixer, o basc, diguem-ne com vulguem, nascut a Irún el 1914 i que va morir a París el 1970. Una gran fama va tenir com a tenor i com a cantant d'operetes i pel·lícules musicals durant els anys 50 i 60, especialment a França. Tots tres els escoltem ara d'una tacada a Hola la Música. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Oh oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la tête? Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous y'a pas problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie quand même, nous on s'aimerait quand même. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. J'ai beau chercher à la ronde, mon manège à moi, c'est toi. On peut même changer de planète, tant que j'entends ton cœur qui bat. J'entends les flonflons de la fête. Mon manège à moi, c'est toi. Premier temps

veux tes beaux yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux. Sans sentir ta peau, je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux. Sans sentir ta peau. Doncs acabem el programa d'aquesta setmana. Ho farem amb l'Àngel i amb una d'aquestes dues cançons que us dèiem que també varen sortir com a senzill ja dins l'any 2019 de la versió de la Suite, la reedició del Vrol, peces que varen triomfar també a les llistes valones, franceses i també a Suïssa. Perdu va ser el primer dels senzills estrets d'aquesta reedició i Oui ou Non va ser el segon, aquesta cançó, el 8 de novembre de 2019, una cançó escrita i produïda per l'Àngel amb en Tristan Salvati. Escoltem doncs aquest tema que posa punt i final amb l'edició del dia d'avui de Olala Música amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials i serà fins la propera. Adéu-siau. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. J'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges. C'est oui, on sait.